n'avez pas assez de 24 heures pour tout faire dans votre journée, la nouvelle Poodle Watch vous redonne la maîtrise de votre temps. Synchronisée avec l'horloge cosmique, la nouvelle Poodle Watch est la seule montre connectée capable de ralentir de 5 minutes par heure le temps écoulé, faisant monter à 26 heures la durée totale de votre journée. Sieste, activités sportives, séries télé, grâce à nos ingénieurs en recherche du temps perdu, vous allouez ces 2 heures aux activités que vous souhaitez. De plus, avec l'application Time Modulation, vous accélérez ou ralentissez le temps à votre guise et selon vos besoins. Fini le retard accumulé dans votre travail. Vous pouvez enfin participer à cette réunion de dernière minute et récupérer les enfants à l'école. Ralentissez votre vie avec Poodle Life.